Amandine s'est saoulée sous les néons blafards. Chavire est sur le bar, son univers s'écroule. Je vois la main d'ivoire se poser sur son corps. Derrière ses lunettes noires, je reconnais ce porc. Et soudain j'ai compris, souviens-toi, Amandine. Les deux morts de Neuilly, la sale nuit de Dauphine. L'hôtel particulier, c'est un gold lunettes noires. Tes copines mutilées, toi fuyant dans le noir. Il est l'insistant qui sourit et caresse. Mais j'ai compris le plan, Amandine, le temps presse. Tu étais seul témoin si tu pars avec lui. Je devine la fin, tu y laisseras la vie. Dans un rêve, je le vois l'empoigner et sortir. Je la suis pas à pas, comment ça va finir? Comment ses mains vont serrer le cou tiède. Alors, comme dans un rêve, je lui plante dans les reins mon souvenir de Tolède. C'est le clash dans la nuit, je mâche et je fuis. Le regard d'Amandine me poursuit comme un cri. Dans la nuit, je marche et je fuis. Le regard d'Amandine me pousse.